Salut Blockbuster, alors comme ça on fait une émission sur Battlestar Galactica et on parle même pas du personnage central de la série qui reste quand même la musique, quoi. Bear McCreary, bonne musique qui quand même donne toute l'atmosphère. What the fuck? Why, Battlestar Galactica, c'est un délire. Comment on a trop kiffé pendant des soirées et des soirées à mater la série, à jouer aux jeux de société. Je crois que avec le jeu de société Battlestar Galactica, on peut revivre l'aventure des dizaines de fois. J'aime pas. Qui pourrait dire ça de Battlestar Galactica? Sérieux, j'ai dû me taper les 4 saisons à peu près 5 fois. J'ai ri, j'ai pleuré. Et comme vous le disiez dans cette émission, si justement il y a absolument tout des relations entre les humains, et j'y pensais avant que vous le disiez, mais qu'est-ce qui picole? Dès qu'ils sont en vrac, ils picolent. Bah moi, j'avais pas prévu de regarder Battlestar Galactica ce week-end. Donc, bah, ça m'a pris du temps et il a fallu tout que je réorganise ce que j'avais prévu ce week-end. Bon, j'ai vu la mini-série, il reste les 4 saisons. Bah, je vais essayer de me débrouiller pour la semaine, mais bon, je vous garantis rien. Après, faut tout réorganiser, tout ce qu'on avait prévu. Allez, bonne émission. Oui, salut Frédéric. Ben, bon, bravo, félicitations. Pour une fois que t'as pas spolié une fin de série, je suis en train de regarder justement Galactica, Battlestar Galactica. Bravo, j'étais à la saison 2, donc je vais pouvoir continuer. Salut, à bientôt. Not to be. Vous avez déjà infligé un nanar à quelqu'un que vous aimez? C'est très très désagréable. Déjà parce que vous aussi vous le subissez le nanar. Mais vu que c'est vous qui l'avez choisi, soudain, vous avez une forme de responsabilité vis-à-vis de lui. Ça devient votre nanar. Un peu comme quand votre chien va faire ses besoins dans le parterre de géranium du voisin. Vous n'êtes pas directement responsable, mais c'est sur vous que ça va tomber. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé samedi dernier, vers 22h. J'ai proposé à ma compagne de regarder Old Guard sur Netflix, un film avec Charlize Theron, adaptation d'un roman graphique racontant l'histoire d'un groupe de soldats immortels. Bon, je vous la fais courte, les immortels s'emmerdent, et par un exploit à mettre au crédit du réalisateur, le spectateur aussi. Mon Dieu que c'est long! Si j'apprends un jour que j'ai une maladie grave, je vais regarder ce film en boucle pour avoir l'impression que le temps passe moins vite. En 2020, Old Guard réussit à faire en beaucoup moins bien ce qu'Highlander réussissait à faire en 86. Le film s'achève, le générique déroule, on évite de croiser le regard de son voisin, on se complaît dans un silence un peu lourd et le verdict tombe. Mais qu'est-ce que c'était mauvais, Fred ! Alors soit vous faites acte de contrition et vous y allez à fond dans le repentir. Je comprends pas, les critiques étaient bonnes, j'ignore ce qui s'est passé, c'est un accident malheureux, il y avait une chance sur 1 million. Soit vous vous transformez en maître Vergès des films pourris. Non mais je te trouve un peu dur, il y avait des choses à sauver, une très très belle photographie. Bref, tout ça pour dire que dans un couple, j'aimerais qu'on soit aussi compréhensif en matière de film qu'en matière de sexualité. Écoute mon chéri, c'est pas grave, ce genre de choses, ça arrive à tout le monde. France Inter, Blockbuster. Juste ici ça va. Frédéric Sigrist. Okay, you guys, relax, okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La couleur pourpre, Ghost, Sister Act, Jumping Jack Flash, Made in America, Star Trek, Le Roi Lion. Depuis des années, Whoopi Goldberg illumine le petit et le grand écran de son talent et de son énergie communicative. S'il y a bien une actrice qui mérite le terme un peu galvaudé de feel good, c'est bien elle. Deuxième actrice noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour Ghost et première femme à présenter la cérémonie des Oscars, justement, Whoopi Goldberg sait danser, sait faire rire, sait émouvoir. Et pour revenir sur cette immense actrice que l'on ne voit plus assez sur nos écrans de ciné, faut dire qu'en période de Covid, on voit plus grand-chose non plus, j'ai avec moi Guimet Odissino, bonjour. Mais bonjour Fred. Vous êtes journaliste cinéma pour Télérama. Oh, j'ai dit Fred, ça fait... Ça va bien, c'est une émission pop, non on jeune peut, On peut, okay, on peut. Merci. Et vous êtes chroniqueuse en grand bien vous fasse sur France Inter. Avec nous également Dedo. Bonjour Dedo. Bonjour. Donc on le rappelle, vous êtes humoriste, votre deuxième spectacle Killing Joke est disponible sur votre chaîne YouTube et vous reprendrez la tournée de rodage de votre nouveau spectacle dès le mois de septembre. Toutes les dates sont à retrouver sur notre site internet. Oui, si Covid le veut. Avec nous également au téléphone, Maïk Dara, bonjour. Bonjour. Vous êtes la voix française de Whoopi Goldberg et vous avez récemment participé avec de nombreuses autres stars à un album de reprise surprise. Et les bénéfices réalisés par cet album seront reversés à l'association Le Refuge qui accueille de jeunes homosexuels rejetés par leur famille. Ah, vous savez tout, c'est génial. Alors ensemble, on va tenter de retracer le parcours de Whoopi Goldberg, de ses débuts dans le One Woman Show à ses émissions de talk show, en passant par certains des films cultes de ces 30 dernières années. Whoopi Goldberg a toujours été une fondatrice de tout un pan de la culture pop. Versatile, charismatique, elle a réussi à toucher avec succès à des genres très différents. Et franchement, 2020 étant l'année qu'elle est, il n'y a vraiment pas de mal à se faire du bien avec Whoopi. He beat me for not being you. Il me bat parce que je suis pas toi. I know he a bully. Je sais qu'il joue les brutes. But I. Mais. There's some things I love about it. Tu sais, par d'autre côté, moi je l'aime. You still love him. Tu l'aimes I got what you call passion. J'ai comme qui dirait une passion pour lui. T'aimes bien coucher avec lui. Ça faut bien que je te l'avoue. J'aime ça. Don't you? Et toi, non? Non. No, most time I just pretend moi, d'habitude, my je fais celle qui est là. Lui ne voit aucune différence. He don't ever ask il ne me demande feel. Jamais ce que ça me fait. Never ask me none il ne me demande jamais rien. I'm on top. Il me crame dessus, puis après, business. Il fait sa petite affaire. Business. Il fait sa petite affaire. Il fait sa petite affaire. You sound mais like c'est lui à t'entendre. Going to the toilet, on dirait qu'il te fait dessus. That's what it feels like. C'est l'effet que ça me fait. C'était un extrait de La couleur pourpre de Steven Spielberg, sorti en 1985. Dedo, je me tourne vers vous, je me tourne vers toi, Dedo. Alors que tu ne te tournes pas en vrai, les gens ne voient pas, tourne mais pas. Si, je tourne la tête quand même, c'est donc je suis vers toi. Okay. Est-ce que tu peux nous dire qui est Whoopi Goldberg, d'où vient-elle? Oh là là, alors c'est alors on va parler artistique parce qu'on ne va pas rentrer dans les termes CE2. Oh là. Ouais, bah oui, mais parce que c'est danse en fait. Whoopi Goldberg, elle a pris son essor... un peu plus loin du micro, me dit-on. Whoopi Goldberg, elle a pris son essor en 83 en créant à l'époque un spectacle, un one woman show qui n'était pas encore du stand-up, qui était vraiment une composition de personnages ou donc qui interprétait des monologues. Et elle le joue pendant à peu près un an jusqu'à ce qu'elle se fasse repérer un jour dans la salle par Mike Nichols. Donc Mike Nichols, qui est le réalisateur du Lauréat. Du Lauréat et de qui a peur de Virginia Woolf entre autres, qui Closer, adore dernièrement. Oui, c'est vrai aussi. Qui adore, qui trouve ça super, et qui lui propose de la mettre en scène pour la faire jouer à Broadway. Donc ça se passe en 80. Le spectacle. Il est originaire de New York aussi. Il faut dire qu'elle, elle a grandi dans une banlieue de New York. Le Project, qui était vraiment une habitation à loyer modéré. Complètement. Elle n'a pas eu l'enfance la plus heureuse du monde, mais pas la plus malheureuse non plus. C'est quand même Big Apple. Et donc, au final, le spectacle se joue sur 6 mois. C'est plutôt bien. HBO aime bien aussi. Donc HBO, qui est donc distributeur, enfin à l'époque non, qui est diffuseur aux États-Unis, une chaîne câblée très connue, décide de capter le spectacle. Il est diffusé en 85. Spielberg voit le spectacle, trouve ça super et décide de lui proposer le premier rôle de La couleur pourpre. Alors il faut savoir qu'en parallèle, elle envoie des lettres à Alice Walker, l'auteur de La couleur pourpre, en lui disant bon bah si jamais vous avez envie un jour de l'adapter au cinéma, moi je suis partante. Et du coup l'auteur lui renvoie une lettre, une enveloppe aussi pourpre. Dans lesquelles elle dit bah oui, je sais très bien qui vous êtes, j'ai vu tous vos spectacles et avec l'équipe du film on a pensé à vous et on lui dit oui d'accord vous pouvez jouer dans La couleur pourpre mais il ne faut absolument en parler à personne. Exactement, elle devait garder le secret à l'époque et ce qui est assez fou quand même c'est que malgré tout sur presque un seul projet de spectacle, sa carrière a pris un essor monumental. Elle est nominée aux Oscars pour le meilleur rôle féminin, elle ne l'a pas. Mais derrière, bah, elle commence à tourner un maximum juste après. Donc sa carrière est complètement lancée là-dessus, Whoopi Goldberg. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Whoopi? Eh ben non, justement, c'est pour ça que vous êtes là. D'où vient son surnom? Alors, Whoopi vient de l'expression en anglais qui s'appelle Whoopi Cushion, qui veut dire coussin péteur. Pourquoi? Parce que quand elle était à l'époque dans les clubs de stand-up, elle explique que des fois, avant de monter sur scène, on n'a pas le temps de fermer la porte quand on va aux toilettes. Et si on est un peu ballonné, il faut évacuer tout ça. Et ses potes lui disaient donc à l'époque, écoute, vraiment, on a l'impression que t'es un coussin péteur. Donc voilà, c'est venu de la Whoopi, ce qui aurait donné donc en France Peter Goldberg, ce qui pour une fois sonne plus classe en français, ce qui est assez rare, donc voilà, ça aurait pu être autre chose. Mais voilà, une légende peut devenir telle à l'époque sur un paix, ce qui est assez troublant. Et là, tout d'un coup, j'ai peur de demander pourquoi vous vous appelez Dedo. Non, alors ça n'a rien vous à voir avec... Ça n'a rien à voir avec des sueurs de gastrique et ou des en espagnol. C'est à cause de tous les dédommagements qu'on lui demande. Oh, voilà, mais non, mais c'est fort. J'aurais pu te tuer pour cette blague, mais on ne se connaît pas suffisamment. Non, mais on a les gestes barrières, on ne peut pas s'approcher. Et voilà, t'es sauvé par un virus. Guillemette Odissino, que représente la couleur pourpre pour l'histoire du cinéma américain et aussi notamment pour la carrière de Whoopi Goldberg et Steven Spielberg? Oh là là, alors là c'est j'ai 4 heures pour expliquer ça. En fait, le film c'est fou parce qu'il est à la fois adoré et méprisé. Pour des raisons à la fois identiques et complémentaires. C'est le premier film ça me fait bien marrer maintenant qu'on dit oh là là Black Panther, mais un casting pratiquement totalement noir. Bah ouais, pardon. Donc La Couleur Pourpre, c'était le premier film où il y avait un casting totalement noir. C'est un mélo assumé. Clairement, la référence de Spielberg, c'est Charles Dickens. D'ailleurs, dans le livre qu'il adapte, il n'y a pas ce livre que soi-disant Célie lit avec sa petite sœur. C'est eux qui rajoutent ce livre de Charles Dickens pour rajouter, oui, un côté mélo qui va même qui prend ses références vers le cinéma muet américain, les deux orphelines. Vous voyez, c'est ah ben il y a un côté conte, hein, très très fort. Il y a un côté conte et il y a de l'émotion assumée. Ils sont d'accord avec Quincy Jones pour être complètement. En fait, c'est un film gospel, c'est un film blues absolu. Sauf que évidemment, vu le trajectoire de ces deux sœurs, qui sont constamment maltraitées, euphémisme, et si ce n'est violées par les hommes de pratiquement tout ce film, ouais. Ça donne aussi une image des années entre 1910 et 1930 de certains hommes noirs qui est loin d'être positif. Donc du coup, le film à un moment a été même considéré comme raciste, qui est quand même le bouquet. De plus en plus, il apparaît comme le premier film à avoir eu un tel casting noir assumé. C'est un énorme risque pour Spielberg, qui jusque-là était considéré comme un entertainment man. Et il va jusque-là, il veut raconter tout ça. Donc c'est un film complexe à revoir aujourd'hui. Vraiment, en cette période ô combien troublée et surtout de racisme quasiment institutionnel aux États-Unis, c'est vraiment un film passionnant, mais oui, qui assume sa photo, enfin complètement, enfin c'est limite sur expo tellement oui. Ça explose de couleurs, la musique est partout, le blues, le gospel est partout. C'est un film quasiment mystique sur le fait d'être noir au début du siècle aux États-Unis. Maïk Dara, alors je suis tout intimidé de vous avoir au téléphone parce que ça va vous sembler bizarre, mais moi dans ma tête, Whoopi Goldberg et vous, c'est une entité bicéphale. Comment ça s'est passé votre rencontre avec Whoopi Goldberg? Alors justement, je ne l'ai pas doublé dans La Couleur Pourpre. Oui, ça je le savais. Voilà, j'avais passé les essais, mais j'étais trop jeune. Enfin, ma voix était trop jeune pour couvrir le rôle du début à la fin. Et les Américains voulaient vraiment la même comédienne du début à la fin. Donc voilà, mais je l'ai rencontré le temps des essais, j'ai fait un petit rôle dedans. Et ensuite, écoutez, je l'ai retrouvé sur La Pivoleuse. Voilà, c'est un des autres films qu'elle a dû faire très rapidement après La Couleur Pourpre. Et voilà, et on a pensé que je pouvais coller sur ce personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire. Et alors ça, c'est la manière dont dont le cinéma vous a aperçu et s'est dit, bah tiens, votre voix collerait bien à la version française de Whoopi Goldberg. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en tant juste spectatrice quand vous avez découvert le personnage Whoopi Goldberg? Ah ben moi j'ai adoré. Fallait que je l'incarne très vite, hein, parce que c'est pas que la voix, on s'est pas seulement dit tiens, en doublage on se dit pas, parfois oui on a une voix qui se rapproche de l'original, mais l'important c'est l'humeur, c'est l'humeur surtout. Donc comme on est comédiens, ben c'est vrai qu'ils se sont dit, ben voilà, oui, Maïk, en dehors de la voix, bon, là, il y avait la couleur, j'étais contente pour une fois que ma couleur me serve à quelque chose. Je comprends. Alors, on va continuer d'explorer la carrière de Whoopi Goldberg avec la journaliste Guillemette Odissino et les comédiens et humoristes Maïk Dara et Dedo. Mais pour le moment, on écoute les Stones avec, évidemment, Jumping Jack Flash. C'était les Stones avec Jumping Jack Flash. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et aujourd'hui, Brothers and Sisters, on parle de Whoopi Goldberg. C'est trop difficile, c'est trop difficile. Je n'y arriverai pas. C'est trop éprouvant. Oh, ah, je paye plus. Combien? Non. Combien? $20. C'est ça. Plume-la jusqu'au dernier sou. Il est là. Il porte un complet noir. Un complet noir? Ou bien bleu? Quel ramassis de conneries! Mais qui dit ça? Julio! Où es-tu? Julio! Vous l'entendez? Bon sang! Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Julio! Vous pouvez m'entendre? Ça, vous ne m'entendez pas? Je peux pas entendre. Attends, m'entendre toi! Vous, écoutez, je m'appelle Sam Witt. Écoutez, vous m'entendez? Sam Witt, dites mon nom, dites-le! Dites mon nom! Arrête. Sam Witt! Ma sœur, où vas-tu? Dites mon nom, Sam Witt! Dites-le! Moi, dis quelque chose, Odame! Sam Witt! Oh. C'était un extrait de Ghost. Excusez-moi. C'est normal, il fallait que ça sorte. Oui, oui. C'est un extrait de Ghost. J'ai l'impression qu'il y a de la terre glaise dans le de Jerry Zucker, sorti en 1990. Patrick Swayze était doublé par Richard Darbois et Whoopi par Maïk Darran, ici présente au téléphone. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus tôt sur Jumping Jack Flash, parce que dès que vous avez entendu le titre des Stones, Dedo, Guimette, alors je ne sais pas si Maïk c'était le cas aussi là où vous vous trouvez, mais il y a eu des petits bons, il y a eu des petits bons comme ça, genre « Oh le film, j'ai adoré !» Dedo, vous voulez me parler de Jumping Jack Flash donc? Oui, avec plaisir. Bah, moi c'est le film qui m'a fait découvrir Whoopi Goldberg quand j'étais petit. Donc effectivement, on est dans une comédie d'espionnage de Penny Marshall qui réalise son premier long métrage à l'époque et qui réalise Big. Avant Big, exactement, et d'autres films un peu moins connus comme L'Éveil ou le film sur le baseball qui s'appelle Une équipe hors du commun, je crois que c'est ça. Voilà. Donc très grande réalisatrice. Avec Suzanne Sarandon. Exactement. Donc on découvre le personnage de Whoopi Goldberg qui bosse dans une banque sur des ordinateurs en tant qu'informaticienne et qui d'un coup se fait contacter par on ne sait pas qui lui demande de l'aide. Et ça part donc dans une sorte d'enquête d'espionnage où elle est obligée d'aller voir l'ambassade pour essayer de faire sortir ce gars dont on ne sait pas c'est qui. Il y a une romance qui s'installe là-dessus et c'est quelque part aussi un film d'action à la fois dans la comédie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été produit à l'époque par Lawrence Gordon et Joel Silver, qui sont deux grands faiseurs de franchises d'action, qui ont fait entre autres Les Pièges de Cristal et Les Prédateurs, Matrix entre autres, qui a été monté par Mark Goldblatt, qui n'est d'autre que le monteur attitré sur beaucoup de films de Verhoeven par exemple, sur Holoman, sur beaucoup de Showgirls entre autres, qui a bossé avec les plus grands. Faut pas avoir honte, il est en train d'être réhabilité ce film. Mais j'aime beaucoup Showgirls. Mais Showgirls est un chef-d'œuvre. Mais bien sûr, moi si vous voulez. Il est en train d'être réhabilité. Non mais c'est pas le sujet. Non, c'est il pas est le sujet. Réhabilité, point. Donc il a monté Terminator 2, True Lies pour Cameron. Enfin donc un immense monteur aussi. Donc il n'y a pas de hasard quelque part. Tout ça se retrouve coincé au bon moment, au bon endroit. Le film marche correctement, mais n'est pas le hit total. Mais par contre, je pense que c'est le film qui la met sur la map. Aux États-Unis comme un peu partout dans le monde, et qui crée un espèce de lien affectif avec beaucoup de gens, parce que ces fameux chaussons en pingouin, cette danse, cette enquête, cette brosse à dents géante bleue pour assommer quelqu'un qu'elle croit qu'elle va pénétrer dans son domicile, c'est joyeux, c'est bien, on aime ça, quoi. Guimette, Odissino ? Puis il y a vraiment, enfin, je trouve une nana qui débarque. Vraiment, c'est-à-dire on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une actrice qui assume à ce point un mélange très très subtil en fait de comique absolu qui vient de son propre naturel et d'efficacité dans le jeu, etc. Enfin, c'est incroyable. On parle de cette danse en chaussons sur la chanson des Stones, mais même chaque réplique, je pense que c'est vraiment l'une des premières qui a le rythme stand-up, mais complètement calibré dans les dialogues d'un film. Il y a pas une phrase, mais je veux dire, même si elle dit passe-moi le sel, c'est drôle. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui se passe soudainement. Il y a un tempérament, comme on dit, mais vraiment un tempérament totalement neuf. Et ça fait aussi le fait que ce film, qui quand même date un peu, et depuis des trucs d'espionnage, on en a vu des pelles, ça ne prend pas une ride. C'est incroyable à quel point, en fait, c'est l'énergie de Youpi qui en fait une comédie totalement pérenne. Maïk Darran, ensuite, on a entendu l'extrait de Ghost, et Ghost qui réussit quand même l'exploit d'être à la fois un film romantique, mais aussi une comédie qui est presque totalement portée par Whoopi Goldberg. Oui, mais c'est aussi le scénario, quoi, qui est extraordinaire. Attendez, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Non, c'est surtout le scénario qui est extraordinaire, et puis le trio, quoi, entre Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi, et les personnages et le scénario. Et voilà, après Whoopi, oui, c'est vrai qu'elle est extraordinaire, enfin, elle est vraiment... inventive, vous venez de le dire d'ailleurs, j'avais pas fait le lien avec les stand-up et tout ça, mais elle a ce côté spontané et tout, très rigolo, très très vrai, très sincère. Mais je l'ai pas doublé dans Jumping Jack Flash, hein, je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai, c'est Jacqueline Cohen. Oui, mais... c'est pour ça en fait que je vous parle de Ghost. Cohen, oui, voilà. Mais comme vous avez parlé longuement de Jumping, je veux pas que les auditeurs pensent que voilà, c'est Jacqueline Cohen. On peut parler de 3 jours de Ghost avec plaisir. Mais, ah oui, mais gosse, c'est voilà. Quand vous voulez. Hein. D'ailleurs, on peut se prosterner devant vous, parce que on a, moi par exemple, j'ai l'âge où on regardait les films en VF. hein, où il n'y avait pas de VM à la télé. Et donc, je vous le dis, pour moi, vous êtes Youpi. Et cette voix, non mais je j'ai l'impression là de, d'entendre Youpi. Enfin, on non, mais c'est vrai, plein, hein. Il y a plein de légendes comme ça, qui, dont les voix françaises sont finalement plus célèbres pour nous, en tout cas pour certaines générations. Et vous savez, c'est quand même dingue qu'on se dise que vous avez, vous, le tempérament, et vous, le rythme, et vous, cet humour absolu dans la voix, pour que, en fait, Youpi, ce soit vous. C'est mignon, mais c'est un peu ça. Et puis je vous le dis pour pas que, parce que c'est il y a beaucoup, on dit souvent Youpi, mais c'est Whoopi. Whoopi. En fait. Non mais c'est Guimette, hein, qui dit Youpi. C'est moi, hein, qui prononce mal. C'est Guimette, hein, nous on dit Whoopi. Nous on dit Whoopi depuis le départ. Hein. Nous on n'a pas de problème d'élocution, hein, c'est moi, Guimette. C'est moi. Hein. C'est moi. Ah ouais, parce que c'est vrai que c'est Youpi quand on la voit, c'est Youpi, oui Youpi, Whoopi, mais. Ouais, ben merci beaucoup de cette remarque, mais c'est vrai que moi, elle m'a pas donné le choix. Hein. J'aurais été très malheureuse de pas réussir à choper son humeur, son. Mais je pense qu'on est assez proches. C'est vrai, je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense qu'on est assez proches par moment. Voilà. Non, mais dans le sens de la comédie, le timing, c'est vrai que c'est bluffant. Moi, j'ai vu beaucoup de films après en VO justement de Whoopi Goldberg, et vos deux voix sont en adéquation totale dans le jeu. Elle maîtrise parfaitement. Effectivement, ce sens du rythme et de la comédie, mais à la fois aussi dans le burlesque et dans le comique de situation, et vous rendez ça à l'image à travers des intentions, c'est vraiment remarquable. Donc, vraiment, merci pour ça. Dans Ghost, il y a une réplique. Bon, évidemment, il y a la scène où là, Whoopi n'est pas. Whoopi, Guimette, on va présente, y arriver. On a encore une émission pour voir le faire. Il y a la scène où on sculpte dans la glaise entre amoureux. Mais le plus beau moment de tous, c'est ce merveilleux idem. C'est-à-dire quand cette extra lucide, plus extra que lucide jusque-là, arrive enfin à faire comprendre à cette jolie veuve que son fantôme de mari est bien présent à cette table de restaurant. Et là, il y a un timing dans le truc de « Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Quoi ? Je sais pas, c'est quoi ce mot ? Idem. » Et vous le faites parfaitement. Oui. Et c'est la bascule du film quand même. C'est là où après, il faut rendre aussi à César ce qui est à César, comme l'a dit Maïk, le scénario. Il y a Jerry Zucker à la réalisation, qui est quand même aussi l'auteur de Top Secret, Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion ? Donc c'est quelqu'un qui maîtrise aussi particulièrement bien le timing de la comédie. Bien sûr. Et le mélange des genres, et de l'humour. En fait. Alors, Ghost, Sister Act, La couleur pourpre, Le Roi Lion, Whoopi Goldberg, ça doit forcément vous évoquer quelque chose. Donc, n'hésitez pas, téléphonez au 01 56 40 30 20. On attend vos appels, mais pour le moment, on écoute Aloïs Sauvage avec Si on aime. Et tu ne décroches plus. Ça m'écorche, je m'efforce de rester fort. À la porte esselée, tu m'as laissé sonner. Pas pour me réjouir, mais je sais que c'est moi qui lasse. Ton cœur n'aime pas le faux, mes excuses font pas d'effet. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire un état de compte de fait. Je me demande parfois pourquoi tout se perd fort alors que c'était parfait. S'il te plaît, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh, je sais que t'en as assez de ma voix qui déraille dès que je te parle de mon ex sans faire le vide en moi. Il suffit d'un mot de travers pour que la discussion dérape, parce que la peur de réavoir mal prend toute la place. Tu as perdu confiance, j'en ai bien conscience. Pourtant mes yeux ne mentent pas, les jours n'ont plus de contours. Je ne sais plus quand la nuit me passe, mes joues deviennent toutes rouges quand je te déshabille du regard. Donc s'il faut attendre pour à nouveau s'étendre sur le canapé ensemble, j'attendrai. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens je t'emmène. Oh. c'est bien plus qu'une armure, mon amour. Si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, t'auras plus de problèmes. Oh, le bonheur à l'extrême. Oh, si on s'aime, oh, notre vie va être belle. Oh, allez viens, je t'emmène. Oh, allez viens, je t'emmène. C'était Aloïs Sauvage avec Si on s'aime, et aujourd'hui à la réalisation, celle qui me disait encore ce matin, Fred, on n'a pas assez de Whoopi dans nos vies, Céline Hila. Et à la technique, celui qui me disait encore ce matin, t'approches pas, t'as pas ton masque, Rémi Sistiaga. Frédéric Sigrist. So far, so good. Blockbuster. Sur France Inter. Whoopi Goldberg a été nommée pour La Couleur Pourpre. Bon, alors, c'est un chef-d'œuvre, on l'a dit, tout le monde est d'accord. Tout le monde? Non, non, non, pas tout le monde. La Couleur Pourpre, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. La Couleur Pourpre, c'est une espèce de sirop qui dégouline sur l'écran. Qu'il s'agisse de violence ou de scènes d'émotion, c'est traité de la même façon, absolument grandiloquente, de toute manière. C'est affreux, réellement. Je suis assez d'accord avec Pérez, c'est le grand film lacrymal pour les... Je sais pas, pour les fêtes, non, il sort pas, il est pas sorti pendant les fêtes. C'est pas plus mal qu'Autant emporte le vent, qui n'est pas un bon film. Pour essayer de nous faire passer non. Couleur pourpre pour un grand film, on nous ressort le coup du mélodrame, c'est-à-dire qu'on nous dit mais le mélodrame n'est absolument pas un genre mineur. Il y a eu de très grands mélodrames, regardez Douglas Sirk et Minnelli, etc. Mais il n'y a aucun rapport entre le film de Spielberg et le film de Douglas Sirk et Minnelli, parce que Douglas Sirk et Minnelli sont des artistes, des esthètes, des gens hyper civilisés et qui traitent dans un style flamboyant, extrêmement précis et extrêmement inventif, des histoires, effectivement, de passion, des histoires simples dans leur récit. Or, là, on a affaire à un balourd. C'est un film qui manque totalement de naïveté et d'innocence. Ce que je reproche au film, c'est pas d'être Autant on emporte le vent, parce que Autant on emporte le vent, il y avait des Noirs, mais ils étaient vraiment une partie secondaire du film, et on peut dire que Spielberg traite les Noirs de son film comme on traitait les Noirs dans Autant emporte le vent. Mais dans Autant emporte le vent, il y avait Clark Gable, et il y avait Vivien Leigh, il y avait toute une histoire qui était, à mon avis, plus intéressante. Tandis que là, c'est la case de l'oncle Tom. J'avoue, je confesse mon dessèchement absolu face à ce film. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je confesse mon dessèchement face à ce film. Fallait voir un gynécologue, monsieur. Guillemette Odissino, il y a quand même aussi toute une époque qui nous parle dans les critiques qu'on a pu entendre autour de La Couleur Pourpre. Oui, et puis il y a vraiment, enfin là pour le coup, un dessèchement de la pensée, de comparer uniquement. En gros, il n'y a que Autant d'emporte le vent. Parce qu'il y a effectivement dedans des rôles d'esclaves ou de serviteurs noirs. Donc il n'y a que ce film-là qu'on puisse comparer à La Couleur Pourpre, et il faut absolument le comparer. Pourquoi ? Parce que c'est un film où il y a des noirs dedans. Donc déjà, enfin c'est très très limité, je trouve, comme c'est même très limité. Argumentaire. Bah, oui. Surtout et en plus, c'est occulté à Amistad. Il y a beaucoup de gens là dont je reconnais la voix, dont je respecte la vie critique en général, mais là, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de mépris. Alors, sous prétexte... Alors oui, Céline, la réalisatrice, me dit, il me rappelle bien, c'est un montage. C'est un montage bien intentionné pour montrer à quel point la couleur pourpre a été méprisée. Mais en fait, c'est étrange. Il faudrait vraiment analyser chaque mot pour montrer à quel point... Certes, on peut trouver qu'un film est loupé, mais alors, il y a des mots et des adjectifs qui ne trompent pas. Il y a des mots et des adjectifs qui ne trompent pas. On peut difficilement créer ça au montage. Oui, et puis une histoire de noir qui souffre, c'est forcément lacrymal et c'est pas bien. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, enfin, là, je suis un petit peu en désaccord avec mes ô combien respectables et collègues, mais d'autant plus que, enfin, la chose est pas là. Maintenant qu'on revoit aussi On emporte le vent, la question est pas de censurer Autant On emporte le vent, mais chaque film témoigne d'une époque. D'une époque et d'un contexte. Et chaque critique de cinéma. Réagissant sur ce film, témoigne aussi d'une époque et d'un contexte. Et justement, sur la représentation de ce qu'on appelle la diversité à l'écran, il est intéressant de voir qu'une des passions de Whoopi Goldberg, c'est Star Trek. Vraiment, c'est une série dont elle est fan depuis toute petite, et à l'âge de 9 ans, elle expliquait qu'elle avait couru dans la cuisine pour voir sa mère en lui disant « Maman, maman, viens voir la télévision, il y a une actrice noire et elle n'est pas domestique », en voyant Michelle Nichols qui interprétait Uhura dans l'équipage de Star Trek, la première équipe, avec William Shatner. Exactement. Voilà, Leonard. Le parallèle avec Autant porte le vent, du coup, est assez présent. Là, voilà. C'est vrai. Voilà. Et du coup, elle a fait des pieds et des mains pour intégrer l'équipe de Star Trek quand elle a été relancée avec Patrick Stewart, le capitaine Picard, un Français. Eh oui. voilà, pour intégrer l'équipe, et elle est arrivée dans le premier épisode de la deuxième saison pour jouer Guinan, qui tient une sorte de barre de l'espace dans lequel tous les équipages cosmopolites et même issus d'autres galaxies pouvaient se rejoindre et discuter comme ça. Et elle, c'était une sorte d'entité comme ça qui vieille de plusieurs siècles, qui écoutait les gens et qui avait une relation toute particulière avec Patrick Stewart, et c'est devenu très très vite un des personnages préférés des fans de Star Trek, tant et si bien qu'on doit la retrouver dans la deuxième saison de Picard, la toute nouvelle série de Star Trek qui est diffusée en France sur Amazon Prime, si je ne m'abuse. Guillaume Todicino. Et si je peux me permettre, Frédéric, ça me fait penser parce que on parle jusque là de son humour complètement atomique, de son tempérament, mais il y a quelque chose en vieillissant aussi chez elle qui est arrivée à un peu une figure de sage. Oui, ce qu'elle poste comme vidéo, comme discours sur son Instagram, ce qu'elle dit dans la presse justement au sujet du racisme, au sujet de ce qui se passe aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez pacifié, de très réfléchi, où à la fois évidemment elle balance en disant qu'il faudrait que les policiers ne se croient pas être des soldats. Et que les États-Unis, qu'elle sache, n'est pas un pays en guerre, que les policiers doivent être contrôlés, y compris leur santé mentale. Mais en face, elle invite aussi la population noire à ne pas tirer, elle le dit clairement, ne pas shooter les flics sous prétexte qu'ils en sont. Et enfin, elle a des discours, alors peut-être aussi d'une vieille génération qui a appris à s'intégrer peut-être de manière moins revendicatrice, mais elle a un discours vraiment très très intéressant sur ce qui se passe en ce moment sur le racisme aux États-Unis, et ce discours assez sage, je trouve, y compris d'ailleurs sur Autant d'emporte le vent, décidément, elle dit pourquoi censurer soudainement, bêtement, tous les films qui parlent de racisme ou qui le sont un petit peu. Il faut les laisser tels quels pour que ces films témoignent, mais il faut les remettre dans leur contexte. Si on n'apprend rien aux enfants, s'ils ne connaissent pas le passé, y compris dans la fiction, ils ne pourront pas aujourd'hui être tout à fait conscients, être conscientisés du racisme américain. Elle est vraiment une voix intéressante. Maïk Dara, vous avez un avis sur la question ? Ah bah oui, bien sûr que j'ai un avis sur la question. Mais c'est très bien, je suis complètement d'accord avec Whoopi, ce que vient de dire Guimet. Je sais pas votre prénom. Guimet. Comment ? Guimet. Oui, voilà. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est-à-dire que oui, c'est un témoignage, quoi. C'est qu'à l'époque, oui, il y avait des Noirs qui parlaient comme ça, qui disaient oui, Bouana et tout, bon. C'est une réalité, quoi. C'est vrai que c'est pas une caricature. À l'époque, c'était ça. Maintenant, Autant n'emporte le vent, ça fait pas l'apologie de l'esclavage, hein, non plus. C'était ça, mais justement, c'est un très bon moyen de se révolter, de savoir que fut une époque, les Noirs étaient, c'était ça, quoi. Les Noirs, c'était ça leur fonction, leur vie, hein. C'était de servir, et c'est ça qui est révoltant maintenant, donc c'est très bien qu'il y ait au moins un témoignage. Un témoignage, oui. On en referait un maintenant, bon, je dirais non, mais on tombe dans les caricatures, c'est bon maintenant, on n'en est plus là, heureusement. Gardez ça en mémoire, mais recontextualisé par rapport à l'époque, tout simplement. Voilà. Recontextualiser, éviter la censure. C'était du racisme, c'était une réalité à l'époque. Oui, très peu de temps avant, malheureusement, les Noirs étaient dans des cases, dans des grandes propriétés, et puis oui, ils servaient. Ils préféraient ça que. Puis il y en avait qui se révoltaient, il y en avait. Voilà, il y avait un tout, quoi. C'était des êtres humains avant tout. Hein. Mmh. Et alors, maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle aussi de ces deux films qui ont marqué toute une génération. Je peux pas m'empêcher de penser à ma mère là, parce que c'était vraiment les films qu'on regardait avec plaisir. C'est Sister Act. Bien sûr. Sister Act d'Emile Ardolino, qui est le réalisateur, et dont on a parlé dans Blockbuster, qui était le réalisateur de Dirty Dancing. Et voilà, on y arrive. Oh là là là là, tout se recoupe, Patrick Swayze, Ghost. Mais oui, mais d'ailleurs, même sur Ghost, où elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle, oui, elle l'a eu contre Laura Roslin de Battlestar Galactica. Et oui, vraiment, toutes les émissions se recoupent. Vraiment, quel génie de la programmation tu es, c'est incroyable. N'est-ce pas ? C'est fou. N'est-ce pas ? Donc, Dedo, comment on a reçu Sister Act quand c'est sorti sur les écrans français ? Ah bah, très bien, très bien. Ça a très bien marché tout de suite. Tant et si bien qu'il y a eu une suite derrière, qui a propulsé d'ailleurs Whoopi Goldberg à l'époque comme l'actrice la plus payée du monde, qui a pris un salaire, qui prenait à l'époque entre 7 et 12 millions, ce qui est quand même honnête pour pouvoir acheter des baguettes dans le monde. Donc, le film a cartonné parce qu'il a été intergénérationnel, c'est pareil, on découvre une Whoopi Goldberg à la fois très doué dans la comédie, et on est dans un film musical qui fonctionne. D'ailleurs, dans le 2, c'est la première fois qu'on découvre à l'écran Lauryn Hill, oui, chanteuse des Fugees, qui a 17 ans à l'époque et qui explose parce que déjà on découvre un talent de chanteuse assez incroyable. Et donc le film a été marquant pour les générations qui l'ont découvert, et continue de marcher et se transmettre de parents aux gosses, parce que c'est un film familial par excellence. Puis qui c'est feel good. Patate. Exactement, c'est hyper feel good. La BO est géniale, c'est gospel, c'est tout ce qui peut faire puis, que le cinéma puis, et entertainment. Et personnage, parce qu'elle partage quand même l'affiche avec une autre actrice qui est devenue cultissime aussi, Maggie Smith, qui moi quand j'ai revu Sister Act il y a peu de temps, tout d'un coup ça m'a frappé, j'avais complètement occulté que Maggie Smith jouait la mère principale du couvent dans Sister Act, et tout d'un coup je vois le professeur McGonagall. Elle était là, c'était pas qu'un chat tout le temps alors. il y a quelque chose d'énorme dans ce film qui m'était dessiné. Oh, puis elle est aussi dans Downton Abbey, cette actrice britannique est devenue une légende vivante, et c'est fou de la retrouver en plus en religieuse totalement coincée, qui joue le rôle habituel de la personne qui ne croit pas ou qui se méfie de l'héroïne, qui ne lui fait pas confiance, et qui évidemment à la fin, mais elle, le plus tard possible alors que tout le monde est déjà en train de danser sur les bancs de l'église, finit par faire un petit sourire satisfait. Oui. Bon, oui, ça va, la chorale fonctionne bien, tu m'étonnes. Avec Jean-Paul II quand même, qui bat la mesure. Alors mais cette scène, Jean-Paul II qui tape dans les mains de dos, non mais c'est extraordinaire, mais ce truc, et c'est vrai, un kiff mais total, constant, on peut le revoir mais des dizaines de fois, et puis non, il faut voir la tête, bon, Youpi, Youpi, je sais pas, j'y arriverai pas. Mais maintenant c'est appelle vous, la tête d'un gros terre. Mais la tête de chaque religieuse. La tête de la religieuse qui joue du piano et qui chaque fois qu'elle plaque un accord un peu plus jazzy que le précédent, fait une mine de charavi. Non mais c'est un truc pas possible. Mike Dara, quand vous avez doublé Sister Act, est-ce que l'énergie dans le studio d'enregistrement était la même que celle à l'écran ? Oui. Il n'y avait pas tous les acteurs et tout ça et tout, c'est vrai. Mais Whoopi, ce scénario et Whoopi a cette faculté, et tous les personnages d'ailleurs. Moi, je me fais cueillir à chaque fois. Hein, pourtant, je le connais sur le bout des doigts, mais c'est tellement universel. Si on le prend sur un plan universel, c'est tellement beau, quoi, de voir que toutes ces sœurs se délectent enfin de chanter du gospel en bougeant leurs popotins et tout. Et le pape qui, effectivement, et les gens. C'est la musique, c'est la joie, la musique. Et c'est d'ailleurs devenu une comédie musicale. Oui, c'est devenu une comédie musicale à Broadway qui cartonne et qui continue de tourner actuellement. Et puis, mais c'est vrai que ces scènes sont extraordinaires. Ils sont très forts, quoi. Et puis, Sister Act 2, réalisé par Bill Duke. Et si je dis aux auditeurs que Bill Duke est Mac dans Predator, c'est-à-dire ce soldat dangereux et voilà, qui défait tout son barda pour aller combattre le Predator et le tuer à main nue, vous allez vous dire quoi, c'est ce gars-là qui a réalisé Sister Act 2? Eh bien oui, c'est Bill Duke, ce célèbre acteur qui a réalisé. On peut se balader dans plusieurs genres et être doué dans certains domaines. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Bill Duke n'est pas doublé par Medondo en français? Alors si, Je crois bien. Hein. Si. Parce que justement, on peut faire le parallèle avec Mike. Il y a des acteurs qui sont totalement incarnés par leur doubleur en France. Et Medondo a été Eddie Murphy. Le comparatif est logique quelque part, parce que ça a été deux énormes superstars. Bien sûr. Comme Eddie Murphy, ils viennent tous les deux de la scène. Ils ont tous les deux eu des hits internationaux. Ils ont tous les deux eu des franchises à succès avec Le Flic de Beverly Hills ou donc Whoopi Goldberg avec Sister Act. Mm. Et ils sont bien entendu tous les deux asiatiques. Donc voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Oui, mais y a, c'est aussi les années. Enfin, vraiment, Hollywood dans ces années. Fin 80 et 90, il y avait une liberté, il y avait une folie, il y avait ces mecs qui faisaient des séries B, puis deux secondes après des rôles chez les copains, mm-hmm. et qui tout d'un coup faisaient un blockbuster eux-mêmes en étaient étonnés, ils disaient oh ouais putain ça marche. Enfin, il y avait un truc, une espèce d'énergie assez ludique dans tout ça. Qui a un petit peu disparu, dit la vieille. Alors, je n'ai pas de super pouvoir, mais je sens qu'on s'approche de la fin de cette émission. Oh. Mais allez, avant le jeu, on va écouter Prince Fatih, Take Me As I Am. Jungle, you like an anaconda. Just the way you are, make it much better. When you're the last gun up on the mind center. I said I know how to make your love come down. Now this is Chinese lance and the ass man. Think hard and I take it as I am. The reason what it is the number one. Hey. Babe, c'était Prince Fatih avec Take Me As I Am et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Amadou au téléphone. Bonjour Amadou. Bonjour Frédéric, ça va ? Oui, très très bien. Alors, quel est votre film de Whoopi Goldberg préféré, Amadou ? Dites-moi. Bah, spontanément, je dirais Sister Act, mais il y a aussi un rôle que j'ai adoré, c'est son apparition dans le conte de la, dans les contes de la crypte. Ah oui, ah, oui. Bien vu. Oui. Où elle s'en prend un rouquin, si je ne m'abuse. Non, pas du tout, mais elle décapite quelqu'un à, oui, à la machette à la fin, et du coup, elle se retrouve à la fin à parler avec le Crypt Keeper, ça c'était génial. Oui, et ce mec qu'elle décapite, il a quelle couleur de cheveux? Voilà, moi ça m'avait marqué. Moi dans ma tête, il était bon. Ben non. Bon, alors est-ce que vous connaissez le principe du jeu? Oui, bah j'ai déjà participé l'année dernière, rappelez-vous. Oh, bah alors, donc je vous ai envoyé les réponses comme toutes les années. Hein? Pas du tout. Alors je pose une question, vous avez 20 secondes pour répondre, et si jamais vous n'avez pas la réponse, vous pouvez utiliser un joker, c'est-à-dire demander à un des invités autour de la table de répondre à votre place. C'est bon? D'accord, oui. C'est parti. Première question. Whoopi Goldberg est la deuxième actrice afro-américaine récompensée aux Oscars. Mais qui était la première? Hattie McDaniel pour Autant emporte le vent. Oh là là, jolie. Parfait. Je vous ai vraiment envoyé les réponses en fait. Très bien. Non, je suis juste cultivé, c'est tout. Non mais non mais heureusement, c'est bien. Deuxième question. L'actrice a endossé le rôle de maîtresse de cérémonie des Oscars combien de fois? Une fois, trois fois, quatre fois. Trois fois, je crois. Vous êtes sûr? Pas du tout. Non, mais attention, Amadou, parce que là, il n'y a même pas une, quelques secondes, vous avez dit que vous étiez très cultivé. Il faut être sûr, là. Pas de pression, mais vous êtes sûr, trois fois? Trois fois, ouais. Ok. Eh ben, c'est faux! Mais c'est pas grave, on peut faire appel à un joker. À qui vous voulez faire appel? Dedo? Guimet Odissino? À Guimet, ouais. À Guimet, très bien. La responsabilité, on m'avait pas dit. L'actrice a endossé le rôle de maîtresse de cérémonie des Oscars combien de fois? Une fois ou quatre fois? À toute façon, c'est pas une seule fois. Elle est tellement talentueuse, hein, c'est quatre. Eh bien, c'est vrai. La première fois en 1994, la deuxième en 96, la troisième en 1999 et la quatrième en 2002. Dernière question. Ah oui. Dernière question. Quel est le nom de l'actrice qui donne la réplique à Whoopi Goldberg dans Sister Act? Miss Cancarty, we have agreed to conceal and protect you, which we will do to the best of our ability. However, it is essential that you understand that you are not in a sorority or a speakeasy. This Alors, Amadou? Maggie. Bah évidemment, on ne pouvait pas faire une émission sur Sister Act sans entendre Maggie Smith. Oh, cette eh bien, voix-là. Amadou, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Yes. Amadou, là, il a réussi ses vacances. Yes. Il peut dire youpi cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir participé, Amadou. Oui, j'ai encore une chose à dire. Ben, c'est super sympa de vous entendre, Frédéric, et surtout des deux, surtout depuis la soirée Predator en décembre dernier, voilà. Ah ben oui. Effectivement, oui, t'étais oui. là. Ah bah oui, il était là. Bah il s'est passé quelque chose entre Amadou et Dedo, c'est pour ça. Moi j'étais tous là. J'étais là aussi. Ça, un prédateur, ça rapproche les humains. Qu'est-ce que tu veux faire? Merci beaucoup Amadou. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Salut. Alors, on approche de la fin de cette émission. C'est bientôt Noël. Est-ce que vous auriez un petit conseil, justement, ces périodes un peu troublées, qui mettent la patate un petit peu comme quand on regarde un film de Whoopi Goldberg, une série ou un film authentiquement feel good, Guimet Odissino. Authentiquement feel good, avec un tout petit peu des bouts de politique à l'intérieur, j'ai droit? Oui, bien sûr. Tout simplement Noir, de Jean-Pascal Zadi. Je pense que ça cartonne déjà pas mal au cinéma, mais si par hasard vous aviez un doute, allez-y, parce que non seulement c'est drôle, il y a vraiment des moments mais hilarants, et ça fait réfléchir aussi, une fois de plus, sur la visibilité des Noirs en France, et des acteurs Noirs. Là aussi, il n'y a que des Noirs à l'écran, et c'est cool. Dedo. Eh ben, pour rester justement dans ces stars cultes afro-américaines, on parlait d'Eddie Murphy, donc je proposerais aux auditeurs le film Golden Child, s'ils ne l'ont pas vu, l'enfant sacré du Tibet. Exactement, donc un film d'aventure fantastique hyper feel good, où Eddie Murphy est plus ou moins recruté pour essayer de sauver un enfant qui aurait la possibilité tenter de sauver le monde. Et donc, il y aura un démon à pourchasser. Beaucoup de bonnes vannes, beaucoup de films d'aventure fantastiques marquants pour Eddie Murphy. Celui-là, en tout cas, pour moi, c'est mon préféré dans ce style. Merci Dedo. Avec plaisir. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci à Guimet Odissino, Maïk Dara et Dedo. Je rappelle aux éditeurs que si vous voulez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou même me contacter directement via la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Si quand vous vous réveillez le matin, you can think of nothing but my... le seul désir que vous ayez, c'est de faire de la poésie, then you're right. Alors vous êtes poète. I'm gonna say the same thing to you. Et j'ai envie de te dire la même chose. You wake up in the morning and si you quand tu te lèves le matin, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de chanter, then you're supposed to be a singer, girl. C'est que t'es vraiment une chanteuse.